на вольнице уля. On la veut tous, la vie parfaite, la vie parfaite, la vie parfaite. Cette fois-ci j'ai envie d'écrire un truc joyeux, de m'imaginer que tout ira mieux, de voir des sourires chez les jeunes et chez les vieux, ne plus jamais souffrir, plus de larmes dans les yeux. Je veux voir heureux ces mesdames et ces messieurs, plus personne doit partir et rejoindre les cieux. Plus personne doit guérir car je ne veux plus de blessures. Je veux plus vous voir vieillir ni penser au futur. Je veux vous voir vivre même si la vie elle est dure. Je veux vous voir libre et plus aucune censure. Je veux des gens vrais, non plus d'impostures. C'est vrai que pour parler de bien je suis en mauvaise posture. Je veux des câlins, non plus des tortures. Je ne veux plus de câlins et de ces usines qui polluent. Je veux sentir du parfum, pas de cette merde qui pue. Le malheur sera malin et moi je n'en veux plus. On la veut tout, la vie parfaite, la vie parfaite. On veut que la route tourne, plus jamais de défaite, plus jamais de défaite. On la veut tout, la vie parfaite, la vie parfaite. On veut que la route tourne, plus jamais de défaite, plus jamais de défaite. Cette fois-ci j'ai envie de voir le monde heureux, de voir du soleil chaque jour où il pleut. Huit autres des fous rires à la place de ses pleurs, de plus les voir pourrir toutes ces magnifiques fleurs. Oui, je veux voir l'amour briller dans tous les cœurs, plus de sa souvenir, ni vengeance, ni rancœur. Plus de soucis, plus de braqueurs, mais surtout, aussi plus de malheur. Je veux des gens honnêtes, je ne veux plus d'arnaqueurs. Je veux des amoureux et non pas que des niqueurs. Ne plus avoir besoin de m'imaginer ailleurs. Et si jamais tout ça, je restais sûrement moins brailleur. On la veut tout, la vie parfaite, la vie parfaite. On veut que la route tourne, plus jamais de défaite, plus jamais de défaite. On la veut tout, la vie parfaite, la vie parfaite. On veut que la route tourne, plus jamais de défaite, plus jamais de défaite. La route tourne, je te le jure, même que j'ai déjà vu tourner devant moi juste dans ma rue. Quand l'amour frappe à ma porte, j'y aurais plus jamais cru. Et pourtant t'as vu, aujourd'hui je suis heureux. Je vois du soleil, même si dehors il pleut. Je m'émerveille quand je plonge dans ses yeux. Bientôt mon enfant va revoir son daron. Putain ça me va drôle quand je te reverrai à Roche. Tu sais tu me manques, mon petit Aaron, mon petit Aaron. T'es mon grand bonheur, t'es mon grand bonheur. On la veut tout, la vie parfaite, la vie parfaite. On veut que la route tourne, plus jamais de défaite, plus jamais de défaite. On la veut tout, la vie parfaite, la vie parfaite. On veut que la route tourne, plus jamais de défaite, plus jamais de défaite. Ouais, ouais, initiale. Ouais, ouais, initiale.